السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل قراءتنا في الحديث السابق، الحديث 35 المتعلق ببعض المعاملات التي ينبغي أن تجتنب لمنافاتها للأخوة الإيمانية التي حث عليها الإسلام. Donc nous continuons la lecture du précédent hadith, le hadith numéro 35, dans lequel est cité certains actes qu'il incombe aux musulmans de délaisser, des actes allant à l'encontre de la fraternité religieuse à laquelle l'islam appelle. Nous étions donc arrivés à sa parole sallallahu alayhi wa sallam: le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, ne l'abandonne pas, ne lui ment pas et ne le méprise pas. La piété est ici, en faisant un signe trois fois vers son cœur, vers sa poitrine, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit: il suffit comme mal pour la personne de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est pour le musulman sacré, son sang, ses biens et son honneur. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Donc le musulman est le frère du musulman. Al-muslimu akhul muslim. Il ne l'opprime pas, la yadhlimuhu. Il ne lui commet pas d'injustice, que cela soit dans ses biens, dans son sang ou son honneur. Dans son honneur, il ne médit pas sur lui, ne le calomnie pas, ne l'insulte pas. Dans ses biens, il ne le trompe pas. Dans son argent, ne lui vole pas. Dans son sang, il ne lui commet pas d'injustice. Dans le sang, il ne transgresse pas son sang. Donc le musulman se doit de préserver le musulman de son mal. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Donc le musulman est celui dont les musulmans sont préservés de sa langue et de sa main. Et en plus de cela, donc, il ne l'abandonne pas. La yakhdhuluhu. Donc, ni il ne commet d'injustice envers lui, dans ses biens, son sang et son honneur, et ni il ne laisse autrui lui commettre d'injustice sans le défendre si il en est capable. Donc s'il entend quelqu'un médire sur son frère, quelqu'un le calomnie à tort ou quelqu'un nuire à ses biens, alors c'est un devoir pour lui de défendre son frère musulman. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: secours ton frère qu'il soit injuste, secours ton frère qu'il ait commis ou qu'il ait subi une injustice, ou bien qu'il soit lui-même injuste. Donc le musulman doit secourir son frère, cela dans tous les cas, si il a lui commis une injustice ou bien si il a subi une injustice. Donc il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: comment est-ce que la personne peut secourir son frère alors qu'il est injuste? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: cela en l'empêchant d'accomplir l'injustice qu'il fait. Donc al-muslim la yadhlimu akhahu, ne commet pas d'injustice envers son frère, wala yakhdhuluhu, et ne le laisse pas subir une injustice sans le défendre, sans le secourir. Tout comme il ne lui ment pas, la yakdhibuhu. Donc ne le trompe pas, car tout cela va à l'encontre de an-nasiha, le bon conseil, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-din an-nasiha. Donc la religion est le bon conseil. Donc le musulman se doit de vouloir du bien pour son frère, de le préserver de la tromperie, elle riche du mensonge et de tout ce qui va dans ce sens. Donc il s'efforce d'être véridique envers son frère en islam et de manière générale envers les gens de manière générale. Et à ce sujet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Soyez véridique, car certes la véracité guide vers le bien et le bien mène au paradis. Et à l'inverse, wa iyyakum wal-kadhib, donc il nous met en garde sallallahu alayhi wa sallam contre le mensonge, fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, le mensonge mène au libertinage, wa inna al-fujura yahdi ila an-nar, et le libertinage mène à l'enfer. Fala yakdhibuhum, donc le musulman ne ment pas à son frère. Tout comme le musulman ne doit jamais mépriser son frère. La yahqiruhu. Donc il ne méprise à aucun moment son frère musulman. Et cela, quel que soit l'état dans lequel il se trouve. Donc un état à travers lequel il peut être rabaissé aux yeux de certaines personnes qui jugent selon les états ou ce qui apparaît de la personne du point de vue mondain, comme la pauvreté ou un bas rang social ou autre. Car en réalité, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la réelle distinction se fait par la taqwa. Comme il nous le dit subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, « Inna akramakum indallahi atqakum ». Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Donc, la réelle distinction auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait « bittaqwa » par la piété. Donc, cette personne qui est pieuse, ce musulman peut être méprisé aux yeux de certaines personnes, alors qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a en réalité une place immense. Comme cela est venu dans plusieurs hadiths, parmi ceux-là, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a invoqué pour un serviteur d'Allah azza wa jalla en disant « Touba ». Donc il a invoqué pour lui, puis il a décrit ce serviteur-là par plusieurs caractéristiques. Parmi ceux-là, « Annahu laou » Shafa'a lam yushafa. Donc une personne qui, si jamais elle voulait venir intercéder auprès des gens qui ont un haut rang, auprès des gens qui ont une haute place, comme les gouverneurs ou autres, sa parole n'est pas acceptée. Cela car c'est une personne qui n'a pas un haut rang, une bonne place aux yeux des gens. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne a une grande place, car elle est sincère. Du fait qu'elle n'a pas un haut rang, du fait qu'elle n'est pas montrée du doigt par les gens, elle ne recherche par ses œuvres que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le lieu où elle se trouve. Si elle est devant, elle fait son travail correctement. Si elle est derrière, elle n'est pas vue des gens, elle fait son travail, elle fait ce qu'Allah lui a demandé de faire correctement, car cette personne ne recherche que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, at-taqwa ha-huna, la piété est ici, en faisant un signe vers sa poitrine trois fois, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons ce qui prouve que l'apparence extérieure d'une personne n'a de valeur que si elle est accompagnée de la réforme de son cœur et de son intérieur. Quant au fait de se concentrer sur la réforme de son apparence extérieure, tout en négligeant la réforme de son intérieur, alors cela est l'exemple des hypocrites, al-munafiqun. Donc le musulman se doit de donner une importance capitale à la réforme de son cœur, de son intérieur. Cela en s'écartant, en combattant son âme pour s'écarter des maladies du cœur, comme le shirk dans l'intention, le fait de vouloir autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala par ses œuvres, l'orgueil, al-kibr, la jalousie, la rancœur et autres maladies du cœur qu'il se doit de combattre en premier lieu. Car si le cœur est réformé, alors le reste des membres le sera aussi. Comme l'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole, « Ala inna fil jasadi mudra, idha salahat, salaha al jasadu kullu. » وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. Donc il y a certes dans le corps un bout de chair. S'il est réformé, alors tout le corps le sera. Et s'il est corrompu, alors tout le corps le sera, et certes, c'est le cœur. Donc, le cœur est la base de la réforme, et s'il est réellement réformé, alors le reste des membres suivra cette réforme. Et dans cela, donc, nous avons une réfutation à toute personne dont les œuvres sont mauvaises, mais qui prétend avoir un cœur pur. Car si son cœur aurait réellement été réformé, aurait réellement été pur, alors ses membres auraient aussi été réformés, et cette pureté du cœur aurait eu un impact sur ses membres, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la réforme des membres est un des signes montrant la réforme du cœur. Et à l'inverse, le fait que les membres soient corrompus est un des signes montrant que le cœur lui aussi est corrompu. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam finit par des propos venant montrer la sacralité du musulman dans ses biens, dans son sang et dans son honneur. Donc, kullul muslimi ala al muslimi haram damuhu wa maluhu wa irdu. Donc, tout le musulman est pour le musulman sacré, son sang, ses biens et son honneur. Donc, il incombe à chacun de préserver cela et de se rappeler de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadi. Donc, le réel musulman, le musulman, est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Donc, al-muslim yajtanib al-asbab allati yakunu biha mudirran bi ikhwanihi al-muslimin. Donc, le musulman fait en sorte de s'écarter des causes par lesquelles il pourra nuire à ses frères musulmans. Et donc, nous tirons de ce hadith, de manière générale, l'ordre de délaisser tout acte menant à la haine ou l'inimité ou le mal entre les croyants, et à l'inverse, d'accourir aux causes permettant l'union et la fraternité des croyants. Hada, wallahu a'lam, wa nas'Allah subhanahu wa ta'ala, ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.